Esther. Or, en ce temps-là, Mardoché était à la cour du roi avec Bagatha et Tara, eunuques du roi, qui étaient les gardes de la porte du palais. Et ayant compris leurs pensées et reconnu par une exacte recherche ce qu'ils machinaient, il découvrit qu'ils avaient entrepris de porter la main sur le roi Artaxerxès, et il en donna avis au roi. Celui-ci, les ayant fait interroger tous deux, après qu'ils eurent confessé leurs crimes, les fit mener au supplice. Or le roi fit écrire dans les annales ce qui s'était passé, et Mardoché le mit aussi par écrit pour en conserver le souvenir. Et le roi lui ordonna de demeurer dans son palais, et il lui fit des présents pour sa dénonciation. Mais Aman, fils d'Amadati, Bugé, avait été élevé par le roi à une grande gloire. Et il voulut perdre Mardoché et son peuple à cause des deux eunuques du roi qui avaient été mis à mort. Or voici la teneur de la lettre. Le grand roi Artaxerxès, qui règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, aux princes et aux gouverneurs des 127 provinces qui sont soumises à son empire, salut. Quoique je commandasse à tant de nations et que j'eusse soumis tout l'univers à mon empire, je n'ai pas voulu abuser de la grandeur de ma puissance, mais j'ai gouverné mes sujets avec clémence et avec bonté, afin que, passant leur vie doucement et sans aucune crainte, ils jouissent de la paix qui est désirée de tous les hommes. Et ayant demandé à mes conseillers de quelle manière je pourrais accomplir ce dessein, l'un d'eux, nommé Aman, élevé par sa sagesse et sa fidélité au-dessus des autres, et le second après le roi, m'a informé qu'il y a un peuple dispersé dans toute la terre, qui suit de nouvelles lois et qui, s'opposant aux coutumes des autres nations, méprise les commandements du roi et trouble par la contrariété de ses sentiments la concorde de tous les peuples. Ce qu'ayant appris, et voyant qu'une seule nation se révolte contre tout le genre humain, suit des lois perverses, désobéit à nos ordonnances et trouble la paix et la concorde des provinces qui nous sont soumises, nous avons ordonné que tous ceux qu'Aman, qui commande à toutes les provinces, qui est le second après le roi, et que nous honorons comme un père, aura désigné, soient tués par leurs ennemis, avec leurs femmes et leurs enfants, le 14e jour d'Adar, 12e mois de cette année, sans que personne en ait compassion. Afin que ces scélérats, descendant tous aux enfers en un même jour, rendent à notre empire la paix qu'ils avaient troublée. Or Mardoché pria le Seigneur, se souvenant de toutes ses œuvres, et il dit « Seigneur, Seigneur, roi tout-puissant, toutes choses sont soumises à votre pouvoir, et nul ne peut résister à votre volonté si vous avez résolu de sauver Israël. Vous avez fait le ciel et la terre, et tout ce qui est contenu dans l'enceinte du ciel. Vous êtes le Seigneur de toutes choses, et nul ne peut résister à votre majesté. Vous connaissez tout. Et vous savez que si je n'ai point adoré le superbe Aman, ce n'a été ni par orgueil, ni par mépris, ni par quelque désir de gloire, car volontiers, pour le salut d'Israël, j'aurais été disposé à baiser les traces même de ses pieds. Mais j'ai craint de transférer à un homme l'honneur de mon Dieu et d'adorer quelqu'un en dehors de mon Dieu. Maintenant donc, Seigneur, Roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre peuple, parce que vos ennemis veulent nous perdre et détruire votre héritage. Ne méprisez pas ce peuple qui est votre partage, que vous avez racheté de l'Égypte pour vous. Exaucez ma prière, et soyez propice à une nation qui est votre part et votre héritage. Et changez, Seigneur, notre deuil en joie, afin que pendant notre vie, nous glorifions votre nom. Et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent. Tout Israël cria aussi au Seigneur, dans un même esprit et une même supplication, parce qu'une mort certaine les menaçait. La reine Esther eut aussi recours au Seigneur, épouvantée du péril qui était proche. Et ayant quitté tous ses vêtements royaux, elle en prit de conforme à son affliction, et elle se couvrit la tête de cendres et d'ordures au lieu de parfums variés, et elle humilia son corps par les jeûnes. Et elle remplit de ses cheveux, qu'elle s'arrachait, tous les endroits où elle avait coutume de se réjouir auparavant. Et elle suppliait le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant « Mon Seigneur, qui êtes seul notre roi, assistez-moi dans l'abandon où je suis, puisque vous êtes le seul qui puissiez me secourir. Mon péril est présent et inévitable. J'ai appris de mon père, Seigneur, que vous avez pris Israël d'entre toutes les nations, et nos pères d'entre tous leurs ancêtres qui les avaient devancés, pour les posséder comme un héritage éternel. Et vous leur avez fait ce que vous leur aviez promis. Nous avons péché devant vous, et c'est pour cela que vous nous avez livrés entre les mains de nos ennemis, car nous avons adoré leur Dieu. Vous êtes juste, Seigneur, et maintenant, ils ne se contentent pas de nous opprimer par une très dure servitude, mais attribuant la force de leurs mains à la puissance de leurs idoles, ils veulent renverser vos promesses, détruire votre héritage, fermer la bouche à ceux qui vous louent, et éteindre la gloire de votre temple et de votre autel, pour ouvrir la bouche des nations, pour louer la puissance des idoles, et pour célébrer à jamais un roi de chair. Seigneur, ne livrez pas votre sceptre à ceux qui ne sont rien, de peur qu'ils ne se rient de notre ruine, mais faites retomber sur eux leur dessein, et perdez celui qui a commencé à sévir contre nous. Souvenez-vous, Seigneur, et montrez-vous à nous dans le temps de notre affliction, et donnez-moi de la fermeté, Seigneur, roi des dieux et de toute puissance. Mettez dans ma bouche des paroles habiles en présence du lion, et portez son cœur à haïr notre ennemi, afin qu'il périsse lui-même avec tous ceux qui conspirent avec lui. Pour nous, délivrez-nous par votre main, et aidez-moi, Seigneur, vous qui êtes mon unique secours, vous qui connaissez toutes choses et qui savez que je hais la gloire des impies et que je déteste la couche des incirconcis et de tout étranger. Vous savez la nécessité où je me trouve, et que j'ai en abomination la marque superbe de ma gloire qui est sur ma tête au jour de ma magnificence, et que je la déteste comme un linge souillé, et que je ne la porte point au jour de mon silence, et que je n'ai point mangé à la table d'Aman, ni pris plaisir au festin du roi, que je n'ai pas bu le vin des libations, et que, depuis l'instant où j'ai été amené ici, au palais, jusqu'à ce jour, jamais votre servante ne s'est réjouie qu'en vous seul, Seigneur, Dieu d'Abraham. Dieu, fort au-dessus de tous, exaucez la voix de ceux qui n'ont aucune autre espérance. Sauvez-nous de la main des méchants et délivrez-moi de ma crainte. Et il lui manda, c'était évidemment Mardoché, d'entrer chez le roi et de prier pour son peuple et pour sa patrie. « Souvenez-vous, lui dit-il, des jours de votre abaissement et comment vous avez été nourri par mes mains. » Car Aman, qui est le second après le roi, a parlé contre nous pour nous perdre. Et vous, invoquez le Seigneur, parlez pour nous au roi et délivrez-nous de la mort. Le troisième jour, Esther quitta les habits de deuil dont elle s'était revêtue et s'environna de sa gloire. Et lorsqu'elle brilla dans cette parure royale, ayant invoqué Dieu, qui est le guide et le sauveur de tous, elle prit deux de ses suivantes, et elle s'appuyait sur l'une d'elles, comme ayant peine à soutenir son corps à cause de sa délicatesse et de sa faiblesse extrême. L'autre servante suivait sa maîtresse, portant ses vêtements qui traînaient par terre. Elle, cependant, une couleur de rose répandue sur son visage et les yeux pleins d'agrément et d'éclat, cachait la tristesse de son âme qui était toute contractée par une crainte violente. Et ayant passé toutes les portes l'une après l'autre, elle se présenta devant le roi, au lieu où il était assis sur son trône, couvert de ses vêtements royaux, tout brillant d'or et de pierres précieuses. Et il était terrible à voir. Et lorsqu'il eut levé la tête, et que par ses yeux étincelants, il eut manifesté la fureur de son cœur, la reine s'affaissa. Et la couleur de son teint se changeant en pâleur, elle laissa tomber sa tête fatiguée sur sa jeune servante. Et Dieu